matè ou kon fè pou zanmi ki yamou. Mwen konè de zanmi ki liye parentè la pitiè. Mè vini wè ki anjou yon maye. Yo deside kite peyi yo pou l'étranjè. Mè yon di yo pa trouve mèzon pou te loje. L'ot la evite partaje tout sa ite ka posede. Mè zon yi pay kaban ni mat ton nan. Kelke tan apre heureuse nouvel madame ka aton. An piti bebe ke fe la joa dan la fami. Mè 9 mwa apre e kom par azan pou pa ni jalou. Bon diye ba madame lambe ti bambin. Se zote vine sui tro le stwa kala. Sa mwen te le di se klami che si de kilan. Si tu pa jeme kwen ki se konsey mwen te le bazan. Swa mwen yon fet pou fe refleji. Belle, belle.